Comme le fantôme. c'est la possession allégée, si vous préférez, avec tous les gros mots, mais sans la tête qui vibre. Mais alors, pourquoi pas envoyer la France ? Tiens, elle fraîche, faut qu'ils viennent, quoi. Des démons, des esprits qui n'ont jamais eu forme. En se touchant le kiki. Non, mais j'hallucine. Des esprits errants, des esprits obstinés qui veulent quelque chose et font tout ce qui est nécessaire pour l'avoir. Comme quoi ? Ça, c'est le fantôme aussi. Et comment convaincre les fantômes de leur fichier la paix ? Mais c'est dur à dire. Je sais pas trop. Mais un bon conseil, soyez prudents dans un esprit oppressif. Tire profit de toutes les faiblesses du sujet qui va chercher à contrôler. Un trouble mental ou émotionnel, un remords. Du genre, j'ai tué quelqu'un que j'aimais, ce style de remords. Oui, enfin, moi je pensais plus à. J'ai porté un short en plein hiver, mais ça fonctionne aussi avec ça, bien sûr.